Et il la continua, le malheureux. Il fit un, deux, trois carambolages. Il en fit cinq, il en fit six, il en fit huit, il en fit dix. Et les billes allaient, venaient, s'effleuraient, tourbillonnaient, puis s'entrechoquaient doucement, comme attirées par un aimant invisible. Et les carambolages roulaient, et les spectateurs applaudissaient. Et la vieille Nanon, elle-même, remuant des sous dans la poche de son tablier, admirait et faisait galerie. Tout d'un coup, c'était un effet de recul. La queue, lancée d'une main nerveuse, glisse sur la bille et la manque. Le tapis craque, le tapis se fend triangulairement et la queue presque tout entière s'engouffre et disparaît dans un abîme de drap vert. Le tonnerre en personne serait tombé dans la salle que le saisissement n'eût pas été plus grand. Chacun s'entre-regarda. Naz, le malheureux Naz, resta debout comme pétrifié, le corps en avant et la bouche ouverte. « Son père !» s'écria la vieille Nanon, « qu'on aille chercher monsieur son père !» Le père de Naz arriva. On s'attendait à une explosion de colère. Il se montra glacial et digne. « Combien ce tapis ?»« 60 francs, mon bon monsieur, pas moins de 60 francs. »« Voici 60 francs. »« Et que me donne le vieux drap ?» Puis, les bandes déboulonnées et le tapis décloué, « Apporte-moi ça, dit le père, en remettant à Naz le tapis roulé. » Que comptait-il faire ?